Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. En plus, c'était un week-end prolongé. Bon, même si la météo n'était pas tout à fait au beau fixe, hein, on a quand même pu profiter de 3 jours pour se reposer. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine qui du coup sera courte, hein, 4 jours à travailler et 4 jours passés ensemble. En ce mardi 12 novembre, nous souhaitons une bonne fête au Christian. Le dicton nous dit à la Saint-Christian, temps sanguin annonce pluie du lendemain. Dans les célébrations internationales, c'est la journée mondiale de la pneumonie et pas d'événements marquants qui se sont déroulés un 12 novembre. On marque donc tout de suite une première pause musicale avec le chanteur Neil Young et le titre Philadelphia. Voilà, c'était le chanteur Neil Young sur RGM avec la chanson Philadelphia. Il est presque 8h36 et bien il est temps de parler pour nous anniversaire avec ceux qui sont nés un 12 novembre 1943, naissance de Wallace Shawn, acteur américain vu à la télévision dans Stargate SG-1, Desperate Housewives, Gossip Girl dans le rôle de Cyrus Rose, et depuis 2018 il joue dans la série Young Sheldon le rôle du docteur John Sturges. 1945, naissance de Neil Young, chanteur canadien. 1947, naissance de Patrice Lecomte, réalisateur français, à qui l'on doit Les Bronzés, où il est également scénariste, tout comme Les Bronzés font du ski, Viens chez moi, j'habite chez une copine, Ma femme s'appelle Reviens, Ridicule, César du meilleur réalisateur, ou encore Les Bronzés 3, Amis pour la vie. 1951, naissance de Patrick Sabatier, animateur télé français qui a présenté par exemple l'émission Avis de recherche, c'était dans la fin des années 80, et entre 2009 et 2016 il a présenté l'émission Mot de passe. 1956, naissance de Stevie Young, musicien australien d'origine écossaise, guitariste rythmique du groupe AC/DC. 1958, naissance de Megan Mullally, actrice américaine connue pour son rôle de Karen Walker dans la série télé Will & Grace. 1973, naissance de Radha Mitchell, actrice américaine vue dans Fun Game, Man on Fire, Silent Hill, La chute de la Maison Blanche et La chute de Londres dans le rôle de Léa. 1975, naissance d'Angela Watson, actrice américaine connue pour son rôle de Karen Foster dans la série Notre Belle Famille. 1979, naissance de Côté des Pablo, actrice américaine connue pour son rôle de Ziva David dans la série télé NCIS Enquête Spéciale. 1980, naissance de Ryan Gosling, acteur américain vu dans N'oublie jamais dans le rôle de Noah Calhoun, Blue Valentine dans le rôle de Dean Pereira, Drive, La La Land dans le rôle de Sebastian, Blade Runner 2049 dans le rôle de l'officier K alias Joe, First Man, le premier homme sur la Lune dans le rôle de Neil Armstrong, où il est également producteur exécutif et producteur, réalisateur et scénariste du film Lost River. 1982, naissance d'Anne Hathaway, actrice américaine vue dans Princesse malgré elle et Un mariage de princesse dans le rôle de Mia Thermopolis, Le secret de Brokeback Mountain dans le rôle de Lorraine Newsome, Le diable s'habille en Prada dans le rôle d'Andy Satch, Meilleur ennemi, Valentine's Day, Alice au pays des merveilles et Alice de l'autre côté du miroir dans le rôle de la Reine Blanche, The Dark Knight Rises dans le rôle de Catwoman, Les Misérables dans le rôle de Fantine qui lui a d'ailleurs valu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, Interstellar dans le rôle d'Amelia Brand, Ocean's 8 dans le rôle de Daphne Kluger, Le coup du siècle dans le rôle de Joséphine Chesterfield et vue au début de sa carrière dans la série télé La Famille Green dans le rôle de Meghan Green. 1983, naissance de Michal Kwiatkowski, chanteur polonais connu en ayant participé à la Star Academy 3. 1990, naissance de Florent Manodou, nageur français qui a fait du handball également. Donc en natation, il compte aux Jeux Olympiques une médaille d'or, 2 d'argent, championnat du monde grand bassin, 4 médailles d'or, petit bassin, 3 médailles d'or, 3 d'argent et 2 de bronze, au championnat d'Europe grand bassin, 6 médailles d'or, 1 d'argent, en petit bassin, 5 médailles d'or, au championnat de France 22 de médailles d'or, 7 d'argent et 6 de bronze. Entre 2016 et 2019, il a joué au handball. Et le 19 mars dernier, il a annoncé ce retour dans les bassins avec pour objectif de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, avec également une volonté d'être présent à Paris en 2024. 1994, naissance de Guillaume Cizeron, patineur artistique français de danse sur glace, et avec sa partenaire Gabriela Papadakis, ils sont vice-champions olympiques en 2018, quadruple champion du monde 2015, 2016, 2018 et 2019, et quintuple champion d'Europe 2015, 16, 17, 18 et 19. 1995, naissance de Thomas Lemar, footballeur français, qui de 2013 à 2015 a joué à Caen, de 2015 à 2018 à Monaco, et depuis 2018, il joue à l'Atlético Madrid. Et à noter qu'en 2018, décédé Stan Lee, célèbre scénariste américain, éditeur de comics, son nom est associé à Marvel Comics, pour lequel il a imaginé les super-héros Spider-Man, Hulk, Iron Man, les Avengers ou encore bien les X-Men, ainsi que bien d'autres personnages, et il apparaissait c'est à chaque fois dans les films Marvel, hein, que ce soit dans Hulk, Iron Man, Captain America, et j'en passe, il est apparu à chaque fois avec de tout petits rôles. Allez, tout de suite, on s'écoute AC/DC avec le titre Heartseeker. C'était AC/DC sur le 107FM, un peu plus de 8h44 et on parle météo. La météo. Journée nuageuse et pluvieuse, des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin, entre 5 et 6 degrés prévues pour cet après-midi. Pour les jours à venir, les températures vont diminuer. Pour mercredi, ce sera de la pluie avec peut-être un peu de neige à prévoir mercredi matin. Alors ce sera, je pense, plutôt de la neige fondue, mais on ne sait jamais. Soyez vigilants. Pour demain matin, des températures comprises entre 1 et 2 degrés et entre 4 et 5 degrés prévues pour demain après-midi. Jeudi, des nuages, des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin, entre 5 et 6 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer avec le football. En Ligue 1, Metz a fait match nul. En Ligue 2, Nancy a fait match nul. En National 2, Épinal a fait match nul. En National 3, Raon-l'Étape a fait match nul. Et Tain-les-Vosges a gagné. En Coupe du Monde, moins de 17 ans, la France a battu hier à l'Espagne 6-1. Direction donc les demi-finales pour l'équipe de France. Ce sera ce jeudi. On continue dans l'équipe de France, cette fois féminine. La France a battu la Serbie 6-0 ce week-end. Et côté messieurs, qui vont bientôt disputer d'ailleurs deux matchs importants, Ndombele sera bien apte pour le rassemblement des Bleus. Par contre, Blaise Matuidi, lui, est forfait. Il est remplacé par Matteo Guendouzi. Un mot de basket avec la Pro B, la défaite de Nancy face à Blois, 77-82, et la défaite en National 1 du Jet Vosges à Pont de Chervy, je vais y arriver, 79-70. Et à noter que cette nuit, un Français était à l'honneur aux États-Unis. On parle bien sûr NBA et de Tony Parker qui a arrêté sa carrière. Et bien, après 17 ans passés chez les Spurs, le Français a vu son maillot retiré, ce qui est une grande première pour un Français. Très belle fête hein, donc pour honorer la carrière exceptionnelle de Tony Parker en NBA. Il y avait sa famille et bon nombre de ses amis également qui étaient présents à ses côtés cette nuit pour vivre cet événement. Un mot de hockey sur glace avec la D2. Samedi, Épinal a renoué avec la victoire en s'imposant face à Amnéville sur le score de 4-1. Un mot de cyclocross avec l'équipe de Steve Chenel qui a fait parler d'elle ce week-end. Tout d'abord avec les championnats européens espoir avec la victoire de Michael Crispin. Et hier, lors du cyclocross de Saint-Etienne, les Hermiremont, triplé pour l'équipe de Steve Chenel avec la victoire de Yann Grad devant Lilian Schneider et Steve Chenel lui-même. Et on termine avec du tennis et la Fed Cup et la victoire de l'équipe de France. Jusqu'au bout, ça s'est joué au double décisif. La France s'impose donc face à l'Australie sur le score de 3-2. Merci Kiki, merci Kristina Mladenovic qui a apporté 3 points à l'équipe de France et notamment le dernier aux côtés de Caroline Garcia. Très belle fête pour la dernière édition de la Fed Cup sous cette formule puisque elle aussi va changer de formule tout comme la Coupe Davis. À noter que lors de cette fête, eh bien Julien Beneteau s'est cassé le pied. Et oui, bon, bah, faudra faire plus doucement hein, la prochaine fois. On parle du Next Gen ATP Finals qui a vu la victoire de Sinner face à Deminor. Et depuis dimanche, c'est l'ATP Finals. Les 8 meilleurs joueurs mondiaux se retrouvent dimanche. Djokovic a battu Berrettini et Dominic Thiem a battu Federer. Hier, Rafael Nadal n'a rien pu faire face à Alexander Zverev. Et Tsitsipas a battu Medvedev. Et aujourd'hui, eh bien, Federer affrontera Berrettini. Djokovic se reposait à Thiem. Et à noter qu'en double, messieurs, la paire Pierre-Hugerbert Nicolas Mahut a bien débuté son master avec une victoire face au numéro 1 mondiaux. Voilà, allez tout de suite, dernière pause musicale avec la musique de La La Land, City of Stars avec Ryan Gosling et Emma Stone. City of Stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance. in the world and send it really. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, cause all that I need is this crazy feeling. I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. Stars, are you shining just for me? City of stars, you never shined so brightly. Et bien voilà, c'était La La Land sur RGM, un peu plus de 8h51 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, on fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. Alors, à 9h30, un épisode de Durablement Vôtre, à 16h, la rediffusion de Jukebox. Oui, il y avait eu un micmac, donc ce sera Jukebox. 18h30, Kaizen, 20h, La Parole est à vous avec Michel, 22h, J'aimais, je vous le lis avec Dominique, et 23h, 20 Flight Rock. Nous, on se retrouve demain matin. Excellente journée à tous.